بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد donc on continue avec ce qu'on a vu aujourd'hui inshallah par rapport au livre sur Fadl al-ilm wa sharafuhu donc on est toujours au sujet de la science et on a dit qu'on allait voir justement ce que Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi a cité donc il a cité 130 points au niveau de la science sa valeur ses vertus et son honorabilité et on a vu donc le premier cours avant c'est-à-dire juste après le maghreb on a vu 17 points donc on arrive au wajh الثامن عشر العلم من أجل النعم أنه سبحانه عدد نعمه وفضله على رسوله وجعل من أجلها أن أعطاه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم فقال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما سورة النساء الآية 113 Donc il dit, subhanahu wa ta'ala, dans surat al-Nisa, donc il dit, Allah Azza wa Jal nous a, donc, a énuméré hein, ses bienfaits. Donc, hein, c'est-à-dire ses bienfaits, donc il a cité ses bienfaits et ses grâces envers son envoyé. Et parmi les plus grandes grâces et les meilleurs bienfaits qu'il a fait pour son envoyé, c'est justement de lui avoir donné donc, ce livre et cette sagesse. Donc, comme on l'a dit auparavant, on a vu auparavant que la sagesse, si on parlait de la sagesse toute seule, donc c'était justement donc l'islam, donc c'était l'ilm. C'était l'ilm. Donc on a vu que par rapport au ilm nafi' wa al-amal salih. Et si c'est accompagné du kitab, c'est donc le sunna. Le kitab wa al-hikma, c'est le kitab wa al-sunna. Et il lui a appris ce qu'il ne connaissait pas auparavant. Donc on a bien vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un illettré et il est mort. Lorsqu'il est mort, donc il est avec la science complète. Donc on voit que c'est d'une position à une autre qui est totalement différente. Et il dit donc, Al-Zawajal dans Surat al-Nisa, verset 113, Allah a fait descendre sur toi le livre et la sagesse, et t'a enseigné ce que tu ne savais pas, et la grâce d'Allah sur toi est immense. Donc là on voit que Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit que c'est parmi les grâces les plus importantes. Parmi les grâces les plus importantes. Naam. C'est pour ça qu'on voit Iqra wa Rabbuka al-Akram. Hein? Donc on voit Iqra wa Rabbuka al-Akram dans notre verset. Donc l'Akram le plus généreux. Hein, Li est ton Seigneur et quoi est le plus généreux. Et Sabbih isma Rabbika al-A'la. Donc Khal'an, donc il dit Ya yuhal insanu ma gharraka bi Rabbika al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle dans l'autre verset, il dit ma gharraka bi Rabbika al-Karim. Et lorsqu'on entend al-Karim, c'est le généreux. Elle a dit Khalaqaka, celui qui t'a créé. Allah, par sa générosité, t'a créé. Mais Allah est le plus généreux parce que t'as donné de la science. Donc les ulama ont dit que la science est quoi? Plus importante que la création. Le fait que tu as été créé, ça c'est une grande grâce et générosité de la part d'Allah. Mais le fait qu'il t'enseigne, c'est encore une plus grande grâce que quoi? Que le fait que tu sois créé. C'est pour ça qu'on retrouve Al-Karim par rapport à la création et on retrouve Al-Akram. Donc le superlatif, le plus généreux par rapport à cette science. Et c'est pour ça que la science, c'est justement parmi les plus grandes grâces. Le waj, le tasa achar, ni'matul ilm, wajibatul shukr. Donc la grâce de la science doit amener obligatoirement à quoi? À la reconnaissance, au remerciement. Annahu subhanahu dhakara ibadahu al-mu'minin bihadihi ni'ma wa amarahum bishukriha. وأن يذكروه على إسدائها إليهم فقال تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون سورة البقرة verset 151 à verset 152 donc il dit subhanahu wa ta'ala donc Allah Azza wa Jal donc a cité et mentionné ses serviteurs croyants de par rapport à cette grâce. Et il leur a ordonné, et il leur donne, subhanahu wa ta'ala, quoi, à être reconnaissant de cette grâce. Et de se souvenir de lui, parce que justement, il leur a octroyé cette grâce, comme il dit, donc, comme nous avons envoyé, c'est-à-dire chez vous, donc des envoyés parmi vous, qui vous mentionnent, donc nos signes, qui vous mentionnent nos versets, et qui vous purifient, et qui vous apprennent le Coran et la Hikma, et qui vous apprennent ce que vous ne connaissez pas. Donc, rappelez-moi, je vous rappelle, et remerciez-moi, et ne soyez pas, donc, et ne reniez pas. Donc, et ne reniez pas. Soit sur le Baqara, verset 151 à verset 152. Et on sait que shukr, c'est justement ce qui va permettre de continuer la ni'ma. Le shukr, c'est justement parmi le sir, donc le, justement la sagesse de dawam al-ni'am, c'est le ni'ma ou ni'am, c'est justement le shukr. Le fait que la personne va remercier subhanahu wa ta'ala dans tout ce que Allah lui a donné comme grâce, la ni'ma elle va tout le temps continuer. Elle va tout le temps continuer. Donc tu vas recevoir une ni'ma, tu vas remercier. Alors tu vas recevoir une ni'ma, parce qu'en plus quand tu remercies, tu reçois une nouvelle ni'ma. Et tu remercies, donc ça ne s'arrête jamais. Le shukr, c'est justement, comme le disait le salaf, c'est sir dawam al-ni'am. Ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas et c'est en plus... c'est justement donc la seule chose aussi dont il y aura le mézid sans arrêt, sans arrêt, contrairement à ce qu'on voit dans les autres versets lorsqu'on parle comme quoi alors elle cite, elle dit il pardonne à qui il veut, hein, et il fait ceci à qui il veut, sauf pour le choukr, sauf pour celui qui remercie Allah. Celui qui remercie Allah, il lui donne. Il n'a pas dit à qui il veut, contrairement aux autres versets. Il pardonne à qui il veut, il fait cela à qui il veut, sauf pour le choukr. On va pas retrouver dans le choukr à qui il veut. Allah donne, c'est automatique. Ça, c'est quoi? C'est justement donc quelque chose qui reste automatique. El wajh al-ashrun, 20e point, el-ilm, minnatun min Allah. La science, c'est un don d'Allah. La science, c'est un don d'Allah. Annahu subhanahu lama akhbara malaikatahu bi annahu yuridu an yaj'ala fil ardi khalifatan, qalu lahu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علم الحكيم. سورة البقرة verset 30 à 32. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a annoncé aux anges qu'il voulait donc placer un successeur khalifa donc sur cette terre, et ils ont dit. Donc dans Sourate al-Baqarah, ils disent « Placerais-tu sur cette terre celui qui va donc faire de la turpitude, hein, celui qui va commettre de la turpitude et qu'il va donc faire couler le sang, alors que nous te louons, et aussi nous te glorifions. » Et il dit « Je sais ce que vous ne savez pas. » Et il a enseigné à Adam tous les noms. Donc il a enseigné à Adam tous les noms, puis après, bien sûr, il a montré ses noms, c'est-à-dire les a placés face aux anges, et il leur a dit donc, dites-moi, annoncez-moi ces noms si vous êtes véridiques. Et donc ils ont dit, subhanak, hein, nulle science chez nous, sauf sur ce dont tu nous as appris. Certes, tu es toi, celui qui est donc le savant, le sage. Donc ils ont compris qu'il y avait une sagesse dans le fait qu'Allah a créé l'homme, parce qu'Allah a créé l'homme et lui a donné bien sûr une science qui est en vérité énorme, spécialement bien sûr, on est toujours par rapport aux ulama. Donc là bien sûr on cite par rapport à ceux qui ont reçu la science de la religion, la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a akhir qissati Adam wa amara al malaika بالسجود له فأبى إبليس فلعنه وأخرجه من السماء. Et après, lorsqu'on va par rapport à cette histoire, lorsque Adam a été créé, alayhi salam, donc il a ordonné les anges de se prosterner devant lui, et bien sûr Iblis, la'anahu Allah, donc là, a refusé, et il a été maudit, et il est sorti, bien sûr, donc il a sorti des cieux. Naam. Donc non seulement on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a parlé de la création d'Adam, qu'est-ce qu'il a parlé? Il a parlé comme quoi il a appris à Adam tous les noms. Donc il lui a donné de la science. Hein, Asma Kulishi. Donc il a appris les noms de toutes choses. Donc non seulement l'a créé, mais en faisant de lui quoi? Un savant. En faisant justement de lui quelqu'un qui connaît. Un savant. Et regardez, Iblis, bien sûr, il a été enorgueilli. Elle a refusé justement de se prosterner. Et il est sorti justement donc de cet endroit. Donc là, on va voir par rapport à l'histoire de la création d'Adam et le bienfait de la science par rapport à la création d'Adam. Alayhi salatu wassalam. Ahaduha annahu subhanahu radda ala al-malaika lama sa'alu kayfa yaj'alu fil ardi man hum atwa'u lahu minhu. Faqad inni a'lamu ma la ta'lamun. فأجاب سؤالهم بأنه يعلم من بواطن الأمور وحقائقها ما لا يعلمونه وهو العليم الحكيم. فظهر من هذا الخليفة من خيار خلقه ورسله وأنبيائه الصالح وصالح عباده والشهداء والصديقين والعلماء وطبقة أهل العلم والإيمان من هو خير من الملائكة، وظهر من إبليس من هو شر العالمين. فأخرج سبحانه هذا وهذا، والملائكة لهم يكن لها علم لا بهذا ولا بهذا ولا بما في خلق آدم وإسكانه الأرض من الحكم الباهرة. Donc سبحانه وتعالى lorsqu'il a répondu aux anges, lorsque bien sûr les anges ont demandé, lorsqu'ils ont dit que tu vas descendre sur cette terre, celui qui va donc faire qui va commettre ce mal, alors que eux, bien sûr, alors que nous on est meilleurs que eux, parce que nous on est tout le temps en train de te louer. Donc il dit, Serge, j'ai collé ce que tu ne connais pas. Parce que dans cette réponse, il y a justement le fait qu'Allah sait que après cela, qui est-ce qui viendra. Donc bien sûr, il viendra par sa science et par sa sagesse, donc les meilleurs des créatures. Donc parmi les envoyés, les prophètes, les hommes pieux, les martyrs, les véridiques, les savants, et toutes les catégories de gens qui ont la foi, les gens qui possèdent cette foi. Et ces gens-là, bien sûr, donc, ceux qui sont mieux que les anges. Donc, c'est-à-dire ceux qui sont mieux que les anges par rapport justement à leur foi et par rapport le fait que ce sont des prophètes, le fait que ce sont des savants et la khairie. Donc en ce moment, on ne va pas rentrer dans l'histoire de est-ce que les anges sont mieux que les croyants, ou est-ce que les croyants sont mieux que les anges. Mais là, c'est par rapport à ce que dit Ibn al-Qayyim, rahmatullah. Donc Ibn al-Qayyim voit que, rahmatullah, que bien sûr les anbiya ou les ulama donc sont mieux que les anges. Et on a vu par rapport à ça que Iblis donc était justement le pire. Par rapport à ça, le fait qu'il a renié ça, c'est justement la pire donc des créatures. C'est la pire des créatures. Et Allah Azzawajal, bien sûr. Et donc de ça, on voit que les anges n'avaient aucune science par rapport à cela. Aucune science par rapport à cela. D'où justement la preuve comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala est doté d'une sagesse qui est quoi ? Qui est donc immense et énorme. Et Thani, donc ça c'est déjà parmi les bénéfices de cette histoire. Deuxièmement, Annahu subhanahu lamma arada izhara tafdili Adam wa tamyizihi wa fadlihi. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a voulu montrer donc la suprématie d'Adam donc par rapport justement aux anges et son bienfait par rapport à eux, c'est que justement il a quelque chose donc qui fait qu'il est donc qu'il a été la suprématie d'Adam par rapport aux anges, c'est que il avait la science, donc il a appris à Adam la science dont les anges ne connaissaient pas. Donc s'il y a justement une science qui est supérieure, donc ça veut dire que la personne ne peut être que supérieure, le fait qu'il y a justement cette science qui est supérieure. فعلمه الأسماء كلها. Et il lui a appris à Adam tous les noms, tous les noms qui, bien sûr, qui existent. ثم عرضهم على الملائكة. Et après, bien sûr, il les a donc montrés aux anges. Est-ce que les anges connaissent cela? فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Donc dites, c'est-à-dire annoncez-moi, parlez-moi de ces noms si vous êtes bien sûr véridiques. Sourate Al-Baqara, verset 31. وجاء في التفسير Ibn Kathir wa Tafsir Tabari, annahum qalu lan yakhluqa rabbuna khalqan huwa akramu alayhi minna. Parce qu'ils ont dit Allah ne pourra jamais créer lan, alors impossible, c'est pas lan yakhluq, lan c'est hatta yufid al-adab al-abad, donc ça veut dire que c'est juste que jamais, même par l'avenir, Allah notre Seigneur ne va jamais créer donc de créatures qui seront meilleures que nous. Qui seront meilleurs que nous. فظنوا أنهم خير وأفضل من خليق من الخليفة الذي يجعل الله في الأرض. Ils ont cru donc qu'ils étaient meilleurs que bien sûr le successeur qui a été descendu donc sur cette terre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. فلما امتحنهم بعلم ما علمه لهذا الخليقة أقروا بالعجز. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala les a éprouvé les anges de ce qu'il a enseigné donc à ce successeur à Adam, ils ont quoi? Ils ont reconnu qu'ils étaient bien sûr impuissants par rapport à cela. Ils ont reconnu leur impuissance. Wa jahli ma lam ya'lamou. Et aussi ils ont reconnu qu'ils étaient ignorants de ce qu'ils ne connaissaient pas. Faqalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana. Ils ont compris que la science elle provient d'Allah. et ils ont reconnu donc, hein, gloire à toi, nulle science en nous que sur ce dont tu nous as bien sûr appris. Innaka anta alimul hakim. Certes, c'est toi qui es bien sûr donc le connaisseur et aussi le savant, le connaisseur et aussi le sage. Donc ils ont compris non seulement qu'il y avait du ilm, mais en même temps, il y avait quoi? Il y a une hikma derrière. Ils ont compris aussi qu'il y avait une hikma qui est derrière. Fahaynaïdin adhara lahum fadla adama bima khassahu bihi min al-ilm faqal ya adamu anbihum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim al-Baqara verset 33 aqalu lahu bil fadl. Lorsque bien sûr donc lorsque comment Allah subhanahu wa ta'ala a montré justement le, donc la suprématie d'Adam par rapport aux anges, c'est qu'il a demandé à Adam directement de leur montrer les noms. Donc il leur a montré les preuves qu'ils ont été justement devant lui. Donc il a été, donc on voit que cette science a été bien spécifique et que pour Adam, alayhi salatu wassalam, les anges, bien sûr, n'en faisaient pas partie. Thalith, troisième point, toujours par rapport au fawaid de la qissa de cette histoire, donc on voit qu'on est toujours par rapport au ilm. Annahu subhanahu lamma an. عرفهم فضل آدم بالعلم وعزهم عن معرفة ما علمه قال لهم ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. سورة البقرة verset 33 toujours. Donc سبحانه وتعالى par la suite il leur dit bien et donc c'est il les rappelle par rapport à ça une fois que leur a montré donc le bienfait d'Adam, donc regardez un petit peu la succession et leur impuissance par rapport à la connaissance de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a appris à Adam. Il leur a dit, ne vous ai-je pas dit que je connaissais donc les choses cachées, hein, des cieux et de la terre, et je connais ce que vous faites et ce que vous cachez. Donc, sur le Baqara, verset 33. Fa'arafahum subhanahu bil'ilm. Donc, il les a bien sûr dit comme quoi, hein, qu'il était justement lui, donc le savant. Wa annahu ahata ilman bi-zahirihim wa batinihim. Et non seulement il sait, il a de la science, mais non, en plus, il englobe. Allah subhanahu wa ta'ala a englobé cette science, non seulement dans ce qui est apparent, mais aussi dans ce qui est caché. Dans ce qui est apparent donc chez les gens, chez bien sûr toute la créature, qu'il soit apparent ou qu'il soit caché. وَبِرَيْبِ السَّمَاوَةِ وَالْأَرْضِ كَدَيْكَ. Donc, non, tout ce qui n'est pas voyant, hein, tout ce qui est caché, tout ce qu'on ne voit pas, dans les cieux et dans la terre. فَتَعَرَّفَ إِلَيْهِمْ بِصِفَةِ الْعِلْمِ. Et Allah s'est fait connaître aux anges, donc par justement صِفَةِ الْعِلْمِ. La quoi? L'attribut de la science. وَعَرَفَهُمْ فَرْلَ نَبِيهِ وَكَلِمِهِ بِالْعِلْمِ. Et aussi, il leur a fait connaître donc la grâce, je veux dire la vertu, donc la valeur de leur envoyé, et aussi de celui avec qui Allah subhanahu wa ta'ala a parlé, كَلِمِهِ, parce qu'il a parlé avec, par la science toujours. وَعَزَّهُمْ عَمَّا أَتَاهُ آدَمَ مِنَ الْعِلْمِ. Et aussi, il leur a en même temps montré, bien sûr, leur impuissance de ce que Allah a donné comme science à Adam. وَكَفَ بِهَدَ شَرَفًا لِلْعِلْمِ. Et cette histoire, elle est suffisante pour montrer l'honorabilité de la science, pour montrer justement la grande valeur du ilm. رابع, quatrièmement, et dernièrement, أَنَّهُ سُبْحَانَهُ جَعَلَ فِي آدَمَ مِنْ صِفَاتِ الْكَمَالِ مَا كَانَ بِأَفْضَلَ مِنْ غَيْرِهِ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ. Et aussi, subhanahu wa ta'ala, donc il a placé dans Adam, donc parmi des caractéristiques, hein, des caractéristiques justement de complémentarité, comme quoi que justement la personne elle est complète, hein. Et ça aussi c'est une preuve de sa suprématie, hein, par rapport aux autres créatures. Wa arada subhanahu an yuzhira lil malaika fadlahu wa sharafahu, afin de montrer, il a voulu donc, par rapport à ça, à montrer aux anges justement le bienfait et quoi, et toujours l'honorabilité, donc la haute place de qui, des gens, la haute place justement de l'homme, de l'humain. Et c'est pour ça qu'on sait que, donc spécialement celui qui est bien sûr muslim et celui qui apprend sa religion. Et, hein, donc à chaque fois, bien sûr, il y aura des degrés. Et c'est pour ça que les malaïkas, ils demandent pardon. Et quoi? Et ils aiment les gens de science. Les malaïkas, ils cherchent après les gens de science. Donc on a autour de nous, où on a, donc, c'est-à-dire en tant que musulman, en tant que personne qui recherche la science, tout le temps des gens qui font doua pour nous, alors qu'on n'y pense même pas. C'est qui? C'est les malaïkas. Pourquoi? Parce qu'ils nous aiment. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent notre place. Pourquoi? Parce que justement, on voit par rapport à cette place qui est donc celle de la suprématie par rapport aux anges. فَأَظْهَرَ لَهُمْ أَحْسَنَ مَا فِيهِ وَهُوَ عِلْمُهُ. Et il a montré donc ce qu'il y a de meilleur dans. Il a montré quoi? Ce qu'il y a de meilleur chez l'homme, c'est sa science. Donc ce qu'il y a de meilleur chez l'homme, c'est sa science. Il y a eu des ulama où les gens venaient les voir du monde entier, hein, qui vivaient par rapport à Mekoko, ils n'avaient ni pied ni main. Donc c'est des gens qui n'avaient, hein, ils avaient quoi? Ils avaient que le buste et la tête. Et pourtant, c'était les muftis, le hujjaj, comme on disait, mufti al-hujjaj. Et lorsqu'on dit d'un savant qui est mufti al-hujjaj, ça veut dire qu'il connaît tout. Parce qu'on sait que sur le hajj, justement, il y a tellement de masael, tellement il y a de sujets. Et pourtant, quoi, hein, leur corps, il leur manquait par les pieds et les mains. La connaissance a fait quoi? Qu'ils ont été élevés. Hein, même s'ils étaient pauvres ou quoi que ce soit, même s'ils dormaient, certains dormaient, hein, après la Kaaba, parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Ils dormaient là-bas, ils n'avaient pas autre chose. Mais pourtant, c'était des grands savants. Pourtant, c'était des gens qui avaient. Donc, les gens revenaient à eux dans tout ce qui était religieux. ونزول ذلك ما فعله بنبيه يوسف عليه السلام لما أراد إظهار فضله وشرفه على أهل زمانه كلهم أظهر للملك وأهل مصر من علمه بتأويل رؤياه ما عجز عنه علماء التعبير. Et aussi la même chose, donc on a encore un autre exemple qui va montrer cela, c'est-à-dire lorsque, par rapport à l'histoire de Youssouf, alayhi salatu wa salam, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a encore une fois montré, donc il a mis en valeur le bienfait, la valeur et aussi l'honorabilité de Youssouf par rapport aux gens de son époque. C'était donc une époque où il y avait beaucoup de personnes qui étaient capables de quoi d'expliquer les rêves. Donc il y avait beaucoup de personnes qui étaient à cette époque capables d'expliquer les rêves. Mais là, bien sûr, donc les gens des contrées, et donc ils étaient capables. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que... Donc les rêves que vous connaissez dans cette histoire, ils n'ont pas pu, ces savants-là n'ont pas pu pouvoir expliquer ces rêves. Il n'y a que Youssouf, alayhi salatu wassalam, qui a pu expliquer. Donc encore une fois, d'où la suprématie toujours de la science, hein, religieuse par rapport aux autres. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Donc il a devancé. Et on sait que, hein, il a devancé, et en plus il lui a donné justement un poste qui était important. Il lui a donné justement le poste important de pouvoir... C'est-à-dire, hein, de pouvoir garder les bienfaits, de pouvoir être le ministre, le garant de quoi? De, on va dire, de la trésorerie. Donc c'était en fin de compte le ministre, hein, de la trésorerie. وَسَلَّمَ إِلَيْهِ خَزَائِنَ الْأَرْضِ. Donc il lui a en plus donné justement donc les clés, hein, le pouvoir de garder justement quoi? Tout ce qui était stocké, tout le stock. Et c'est ça parce qu'on sait qu'Allah Azza wa Jal, avec le Coran, il élève des personnes. Hein, comme le dit le prophète, et il élève, et il baisse, donc il élève avec le Coran, quoi, des peuples, et il en baisse, et il rabaisse des peuples. Non, parce que le Coran élève justement la personne qui met en plan l'application ce Coran. Alors qu'avant cela, regardez, avant cela, le début d'histoire, c'est quoi? Il le met en prison. Hein, du fait que, bah, parce qu'il était beau, parce que c'était justement une fitna par rapport à l'histoire. Il préférait l'emprisonner plutôt que ça continue, que les histoires elles continuent. Hein, que les femmes commencent à courir après Youssouf, hein, du fait qu'il était très beau, donc il l'enferme. Et par rapport à ce comme histoire, Jamal et Surati, le fait que justement Youssouf donc, était quelqu'un de très beau, donc il a préféré l'enfermer que plutôt que toute la communauté féminine tombe justement dans la perversité ou quoi, ou autre. Et lorsqu'il a vu, donc, comme il dit, regardez comment il fait la comparaison. Il dit, il enferme pour sa beauté, mais comme il voit, par rapport à la beauté de sa science, qu'est-ce qu'il fait? Il le sort de prison. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, il le sort de prison. Non seulement, donc, il le sort de prison, et en plus, bien sûr, il lui donne, hein, il lui permet justement de quoi? D'être lui. Le juge de ce qui va être donné, de ce qui parle, c'est-à-dire de ce trésor du peuple. فضل على أن سورة العلم عند بني آدم أبهى وأحسن من السورة الحسية. Et c'est aussi une preuve comme quoi que le visage de la science chez le fils d'Adam est meilleur que quoi que le beau visage. Hein. Et donc le beau visage justement, c'est-à-dire qui est vraiment quelqu'un, comment dire, une personne qui est belle. Donc une personne qui est belle, et ça c'est aussi une preuve par rapport au mariage. Donc on en profite pour dire que par rapport au mariage, donc hommes et femmes, c'est pas le physique qu'il faut regarder d'abord, hein, c'est surtout donc justement la beauté religieuse. C'est surtout la beauté religieuse de la personne, mais pas la beauté physique qui va primer comme beaucoup de gens le font, et après ils en sont malheureux. Donc ils ont soi-disant la plus belle femme chez eux, mais ils en sont malheureux parce que justement elle n'a pas la religion qu'il faut. Donc celui ça c'est encore une preuve comme quoi qu'il faut faire attention, ne pas tomber dans ce piège, parce que beaucoup de divorces arrivent justement parce que les gens ont choisi juste la belle-fille ou la fille a choisi juste le beau garçon et après ça marche pas, et justement parce qu'il y a, il y a pas justement cette science, il n'y a pas cette crainte d'Allah, il n'y a pas justement cette religion qui va faire que les gens se séparent facilement. Donc c'est à cause de ça que les gens se séparent facilement. S'il n'y avait pas ça, les gens seraient justement le fait que les gens vont de respecter ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le fait de prendre celle qui est donc dotée de religion, c'est comme ça justement que la personne va réussir. Et même si la personne bien sûr était de la plus belle façon, comme il dit, walau kanat ajmala sura, même si la personne était la plus belle du monde, imaginez-vous, alors et qu'elle n'a pas donc cette religion, ça ne sert à rien. Fahada wajun mustaqillun yani fi tafsil al-ilm mudafun ila ma taqaddam. والوجه الحادي والعشرون 21 ذم أهل الجهل. La réprimande des gens de l'ignorance. La réprimande des ignorants. أنه سبحانه ذم أهل الجهل في مواضع كثيرة من كتابه. Allah subhanahu wa ta'ala a réprimé donc les gens de l'ignorance dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de citations hein, de ces versets dans le Coran. فقال تعالى ولكن أكثرهم يجهلون. Et alors que justement donc, mais la majorité d'entre eux sont ignorants, ne savent pas. Mais la majorité d'entre eux ne savent pas. Là, qu'est-ce que ça veut dire? La majorité d'entre eux ne savent pas, c'est-à-dire que peu de gens savent. Et vous avez remarqué que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de la majorité dans le Coran, c'est pour justement réprimander. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de la minorité dans le Coran, c'est justement par rapport aux gens de foi, c'est par rapport à ceux qui sont meilleurs. Donc les gens qui sont meilleurs, ils sont justement toujours minimes. Et on retrouve même ça dans le Qissa, des trois personnes, hein, donc du lépreux, hein, donc vous connaissez l'histoire de ceux qui ont, les trois personnes, le lépreux, aussi celui qui était aveugle, donc tous ceux qui, celui qui avait le donc aussi le sourd, si je ne me trompe pas, hein, donc, hein, le chauve, Afan, donc le chauve, hein, donc le chauve, l'aveugle, et le, donc celui qui avait justement donc, cette maladie, et que Allah subhanahu wa ta'ala, donc les a, leur a, non seulement il les a guéris, mais en plus leur a donné, hein, tout ce qu'il fallait, des richesses, et lorsque après bien sûr donc la même personne est revenue, c'est-à-dire donc un lépreux, donc le lépreux est venu, le chauve est venu, l'aveugle est venu, deux d'entre eux ont refusé, un a donné. Donc les ulama ont dit que quoi, c'est une preuve que deux sur trois sont ingrats, deux sur trois sont ingrats. Donc on voit que à chaque fois qu'on parle de majorité, c'est pour dire du mal. Même ça, c'est encore une preuve. Il dit aussi donc surat al-An'am verset 111. Wa qala ta'ala ولكن أكثرهم لا يعلمون. Donc la même chose toujours, donc on retrouve ou bien et mais donc la majorité ou la plupart d'entre eux ne savent pas. Donc de toute façon c'est la même chose. يجهلون أو لا يعلمون, c'est la même chose. Sourate Al-An'am verset 37. وقال تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل السبيل. Sourate Al-Furqan verset 44. فَلَمْ يَقْتَصِدْ سُبْحَانَهُ عَلَى تَشْبِيهِ الْجُهَلِ بِالْأَنْعَامِ بَلْ جَعْلَهُمْ أَضَلْ سَبِيلَ مِنْهُمْ. Regardez, subhanahu wa ta'ala, comment il cite et comment il réprimande justement les ignorants. Crois-tu que la majorité écoute et raisonne, mais ceux-là ne sont que comme les animaux, mais voire même ils sont plus, ils sont donc pires, hein. Ils sont bien sûr plus égarés que les animaux. L'animal, il a été créé comme ça, il fait ce que, hein, donc il ne va pas dépasser ce nom, pourquoi il a été créé. Tandis que cette personne qui a été créée pour adorer Allah Azzawajal, va faire totalement le contraire. Donc il est encore plus égaré que l'animal qui fait, hein, c'est-à-dire qui reste à la fitra, qui reste comme Allah Azzawajal a voulu de lui. Donc on voit que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas seulement donc fait la comparaison, c'est-à-dire des ignorants avec les animaux, mais aussi il les a, donc quoi, il a montré qu'ils étaient encore plus égarés que les animaux. وقال إن شر الدواب عند الله صم البكم الذين لا يعقلون. Donc les pires des bêtes, hein, les pires des montures auprès d'Allah, donc ce sont justement donc ceux qui sont sourds, hein, et aveugles, hein, donc c'est ceux qui sont sourds et muets, hein, et ceux qui quoi, qui ne raisonnent pas, ces gens-là ne raisonnent pas. Et bien sûr, on retrouve encore beaucoup de versets par rapport à cela. Donc, sur l'Anfal, verset 32. وَأَخْبَرَ أَنَّ الْجُهَالَ شَرُّ الدَّوَابِ عِنْدَهُ عَلَى إِخْتِلَافِ أَصْنَافِهِمْ مِنَ الْحَمِيرِ وَالسِّبَاعِ وَالْكِلَابِ وَالْحَشَرَاتِ وَسَائِرِ الدَّوَابِ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala donc a montré que ces gens-là sont pires que l'ignorant, donc est pire que justement que ces animaux, alors que les animaux sont différents. Donc on va retrouver donc les ânes, on va retrouver aussi les donc c'est-à-dire les animaux sauvages, hein, les lions et autres, donc tout ce qui est chien, et aussi les insectes et autres. Fadjuhal sharun minhum. Donc les ignorants sont pires qu'eux. Et c'est Allah Azzawajal qui le dit. Et c'est pour ça qu'un poète dit Laysa ala dini rusuli adarru min al-juhal. Il n'y a pas dans la religion des prophètes plus, c'est-à-dire plus mauvais ou bien plus malfaiteur que l'ignorant. Adar, celui qui va causer plus de mal que bien sûr que l'ignorant. Belhum a'da'uhum ala al-haqiqa. Mais eux sont ses ennemis en vérité. Eux sont ses ennemis en vérité. Qala ta'ala nabihi وقد أعاذه فلا تكونن من الجاهلين. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son envoyé, alors qu'il le prévient, donc ne sois pas, hein, donc vraiment ne sois, fais pas partie de quoi des ignorants. Vraiment ne fais pas partie des ignorants. Surat al-An'am verset 35. وقال كلمه موسى عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. Donc je me protège auprès d'Allah afin que je ne sois pas justement, que je ne fasse pas partie des quoi des ignorants, que je ne serai pas partie des ignorants. Surat al-Baqarah verset 67. وقال لأولي رسوله نوح لأول رسوله نوح عليه الصلاة والسلام إني أعيذك أن تكون من الجاهلين. Donc il dit Allah subhanahu wa ta'ala à son premier envoyé, donc Nuh, il lui dit donc je t'exhorte à ce que tu te fasses, à ce que tu ne sois pas ignorant. Je t'exhorte à ce que tu ne sois pas ignorant. Surat Hud verset 46. فهذا حال الجاهلين عنده والأول حال أهل العلم عنده. Donc on a vu justement donc, c'est-à-dire le cas des ignorants auprès d'Allah et aussi le cas qu'on a vu hein, des gens de science par rapport à hein, par rapport à cela. Regardez un petit peu comment Allah élève donc la science et ces gens et comment il rabaisse l'ignorance et ces gens. وأخبر سبحانه عن عقوبته لأعدائه أنه منعهم علم كتابه ومعرفته وفقهه. Et Allah subhanahu wa ta'ala donne comme châtiment justement à ses ennemis donc le fait que quoi qu'il va leur interdire l'accès hein, à la science de son livre, de sa connaissance et bien sûr de sa compréhension. Et on sait que man yuridillahu bihi khayran yufaqqihu fid-din, hein, celui dont Allah veut du bien justement il va lui faire connaître la religion. Et la même chose man yuridillahu an yahdiyahu yufaqqihu, dans une autre version que dit Cheikh Salah al-Sheikh, il dit qu'elle est authentique. Donc il dit dans une autre version, c'est celui dont Allah veut guider, il le fait quoi? Il le fait connaître sa religion. فَقَالَ تَعَالَى وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي أَذَانِهِمْ وَقْرًا. Surat al-Isra, verset 45, verset 46. Donc Allah dit, si tu lis le Coran, on va faire entre toi et entre ceux qui ne croient pas, c'est-à-dire en l'au-delà, donc un quoi, un voile, donc qui va cacher, un voile qui va cacher, et on va mettre aussi donc justement dans leur cœur, donc on va sceller leur cœur afin qu'ils ne comprennent pas, et aussi bien sûr donc des bouchons dans les oreilles, dans le sens où ils ne vont pas, ils vont entendre, mais ce ne sont que des sons pour eux, et ça sera fermé, le cœur va être scellé, donc il ne va pas accepter ce qui est bon, ça va rentrer dans l'oreille moukin. Hein, ça va entendre, mais ça ne va pas rentrer dans le cœur. Donc, hal al-jahilin, donc le juhel, donc ça c'est le cas des ignorants, comme on voit aussi, donc c'est le cas des khawarij, qui lisent le Coran, et ça ne dépasse pas leur gorge, dans le sens où ils lisent, ça ils lisent. Ça se peut que c'est une très belle voix, mais que ça ne rentre pas dans le cœur. C'est pour ça que ça ne dépasse pas la gorge, ça ne rentre pas dans le cœur. Donc, le fait que ça ne rentre pas dans le cœur, donc c'est que du son, c'est que du saut. Et Allah a parlé justement par rapport donc, aux gens de la bida de cette communauté. وأمر سبحانه donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Afwan, c'est lui qui a dit ça, donc c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وأمر سبحانه نبيه بالإعراض عنهم فقال وأعرض عن الجاهلين. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en plus, non seulement donc là on voit qu'il a fait la réprimande des gens de cette ignorance, mais en plus il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de s'en détourner, faut pas rester avec eux, il faut pas rester avec les gens d'ignorance, donc et détourne-toi des ignorants, l'ignorant il va pas t'apporter de bien, L'ignorant, il ne va pas t'apporter de bien. Normalement, les musulmans, ils restent avec cette dirine. Ils restent avec les gens de science, ils restent avec les gens de bien, afin de progresser. Il faut rester toujours avec quelqu'un qui soit meilleur que soi, afin que tu progresses. Si tu restes avec les ignorants, tu ne vas pas progresser. Tu vas déteindre. Tu vas perdre de ce que tu avais de bon pour te retrouver comme eux. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. Donc en parlant des gens de science et en parlant bien sûr des gens de foi, lorsqu'ils entendent, hein, donc tout ce qui est turpitude, tout ce qui est vil, s'en détournent et ils disent nous avons nos actes et vous avez vos actes. Donc déjà il faut la différence. Nous on n'est pas comme vous. Alhamdulillah, on va à la mosquée, on s'allait, on apprend notre religion. Vous ne faites pas ça. Donc vous buvez, vous faites ceci, vous dites cela, vous reniez donc le fait qu'Allah va vous châtier dans ce que vous faites. Alors nous, bien sûr, on ne désire pas justement les ignorants. Ça ne nous intéresse pas de rester avec les ignorants. Tout en sachant que c'est la même chose fait le roulaba. Le roulaba, donc le fait, les étrangers, on voit que donc les gens de l'islam seront étrangers par rapport aux autres. Et dans les gens de l'islam, donc celui qui a de la science sera étranger par rapport à celui qui a pas de science. Et même dans les gens qui ont de la science, il y a encore des étrangers par rapport aux autres. Donc les grands ulama sont étrangers par rapport à ceux qui sont en dessous d'eux. Et ainsi de suite. وَقَالَ تَعَالَى وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Donc il dit subhanahu wa ta'ala dans surat al-Furqan verset 63, et lorsque les ignorants leur parlent, ils disent salam. Et les ulama, ils ont fait le tafsir de salam en disant que ou bien c'est salam, le fait de dire salam, ou bien le fait de dire du bien. Donc on retrouve deux tafsirs par rapport à ça, c'est de dire premièrement salam, et deuxièmement c'est de dire bonne parole. C'est ça salam. Donc c'est par rapport au ibad ur-Rahman, par rapport au serviteur du tout miséricordieux. Wa kullu hada yadullu ala qubh al-jahli 'indahu وبغضه للجهل وأهله وكذلك هو عند الناس فإن كل أحد يتبرأ منه وإن كان فيه. Donc cela est une preuve, justement, donc de la mauvaise, donc de l'ignorance, que l'ignorance est quelque chose qui est mauvais auprès d'Allah Azzajal, et que Allah Azzajal déteste l'ignorance et les gens qui sont ignorants. Et c'est la même chose chez les gens. Quelqu'un qui est ignorant, donc il ne va pas être accepté comme quelqu'un qui est savant. Il ne va pas être accepté de la même façon. Et que bien sûr, chacun, s'innocente de l'autre. Chacun va s'innocenter de celui qui est justement ignorant. Et on ne parle pas, bien sûr, en compréhension par rapport à ceux qui n'ont pas pu, comme peut-être nos parents ou bien nos grands-parents qui n'ont pas pu apprendre du fait que c'est la situation qui les a fait qu'ils n'ont pas appris. Ils sont restés à l'al-fitra. Le peu qu'ils ont pu apprendre, ils ont essayé de l'appliquer, ne serait-ce que prier à l'heure, ne serait-ce que prier à la mosquée, ne serait-ce que faire hajj. On ne parle pas vraiment par rapport à cela. Mais le fait que la personne a des connaissances, a une raison, a peut-être bac plus ceci, bac plus cela, il sort les films masjid, et lui n'apprend pas sa religion, lui à ce moment-là, il est bien sûr plus à même à être l'ignorant que ceux qui sont à l'origine illettrés, qui n'ont pas pu apprendre dès le début, qui sont vraiment des moukallidines et qui, alhamdoulilah, minimum, ils vont écouter les mêmes. Quoi qu'il en soit, ils vont quitter les mêmes de chez eux pour au moins d'essayer de pouvoir progresser dans la religion. Donc on va bien sûr on va faire la différence par rapport à celui qui est ignorant alors qu'il pourrait apprendre et celui qui n'a pas pu vraiment. Il y a une différence entre eux. Donc le 22e point, l'ilm, hayatun wa nur. La science, c'est la vie et la lumière. Donc la science, c'est la vie et la lumière. أن العلم حياة ونور والجهل موت وظلمة. Certes, la science est la vie et la lumière. Et l'ignorance, c'est la mort et les ténèbres. والشر كله سببه عدم الحياة والنور. Et le mal, donc tout le mal qui existe, que vous connaissez autour de vous, tout le mal qui puisse exister sur la terre, sa cause, c'est justement le fait qu'il n'y a pas de vie et qu'il n'y a pas de lumière. Donc tout le mal vient de là. Le fait qu'il n'y a pas de vie, qu'il n'y a pas de lumière, c'est-à-dire l'ignorance. وَالْخَيْرُ كُلُّهُ سَبَبُهُ النُّورُ وَالْحَيَاتِ. Et tout le bien qui puisse exister, sa cause, c'est justement la lumière et quoi ? Et la vie. Donc l'ilm, la lumière et la vie. Et vous savez bien que Allah subhanahu wa ta'ala, depuis que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu, il n'a plus détruit toute communauté après. Il n'y a plus de destruction comme il y a eu les destructions des communautés avant. parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu. Et aussi, donc, et par la suite, donc, les gens profitent de quoi? De la baraka, hein, des fois, de quoi? De ceux qui invoquent, des pieux. C'est les pieux qui font que Allah, justement, des fois, il met la baraka dans autre chose. Donc, justement, des fois, qu'il y a une baraka qui peut être même donnée, même chez des autres. وَيَخْشِفُوا عَنْ حَقَائِكَ الْأَشْيَا. Donc, bien sûr, donc la science va montrer, يَخْشِف, hein, donc il va dévoiler les vraies choses. Elle va dévoiler les vraies choses. Combien de personnes, dans le début de sa religion, lorsqu'il a commencé, hein, il acceptait tout. Hein, si maintenant, alhamdoulilah, si peut-être beaucoup d'entre vous sont arrivés, il y avait déjà, on va dire le sunnah wa jama'a ou bien la salafi à placer, il y a des gens avant vous, non. Il y a des gens avant vous, non. Donc ils ont été, ils ont tout connu. Ils ont tout connu dans les années 90. Ils pouvaient avoir le chef des Ikhwan, comme le chef des Tekfir, comme le Teblir, le ceci. Ils mangent. C'était normal avant. Il y avait, donc chacun ses œuvres. Je sais pas, même si je ne fais pas ce que tu fais, mais il n'y a rien. On se rejoint. On est là ensemble, on fait ceci ensemble, on fait cela ensemble. Il n'y avait pas le wala wal bara. Il y avait pourquoi? Parce que justement, il n'y avait pas cette science qui a ramené que les gens aimaient pour Allah et détestaient pour Allah. Les gens n'étaient pas comme ça. Parce que justement, il n'y avait pas cette science. Et en plus, il montre, cette science va montrer les degrés de ces choses. Donc chaque chose, bien sûr, a ses degrés. Chaque chose est-ce que cette chose, c'est donc une des meilleures adorations ou pas? Est-ce que cette chose, c'est un petit péché? C'est un grand péché? Hein, donc, est-ce que ça, je dois le faire passer avant ça? Donc la science permet à la personne de quoi? De gérer toutes ces choses-là. Walhayatu. هي الصحيحة للصفات الكمال. عفوا. هي المصححة للصفات الكمال. Donc la vie, c'est justement, en vérité, celle qui vient justement. Donc c'est celle qui vient faire que, bien sûr, la vraie vie qui est complète, justement, donc c'est elle qui vient en vérité rendre, ou bien qui vient corriger plutôt, naam, donc qui vient corriger justement ces attributs qui sont justement les plus complets. Al-mujubatu litasdid al-aqwal wal-a'mal. Celle qui va permettre aussi, cette science, elle va permettre de quoi? De savoir ce que tu dis, ce que tu fais. Tasdid. Donc tu vas réussir dans quoi? Dans tes paroles et dans tes actes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parlait peu. Et on a beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait ça, il parle, ça, on a beaucoup de hadiths de lui, mais en vérité il parlait peu, et se taisait beaucoup, et on regardait surtout ce qu'il faisait. Donc on voit, c'est aussi d'où justement la différence entre le fait de parler beaucoup et de rien faire, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait peu et faisait beaucoup, et c'était justement une grande attirance chez les gens. C'était une grande attirance chez les gens où justement les gens s'intéressaient justement à quoi? À être attirés par l'islam. Ça les intéressait. Ils rentraient facilement dans la religion parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un trop bon comportement. Et il parlait peu et il agissait beaucoup dans le bien. Donc ça aussi c'est important. Donc ça c'est testé justement. Donc ces paroles, elles sont... Bien sûr c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il parlait peu. Donc ce qu'il disait, donc c'était justement donc des paroles qui avaient beaucoup de signification avec très peu de... très peu de mots, mais qui avait beaucoup de sens, qui a beaucoup de sens dans ces mots. Et ces actes aussi, ils étaient. Donc c'est ça le test d'id. Donc il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala, justement, qu'il fasse de nous, justement, des gens qui parlons de choses bien et qui mettons en application, justement, ces choses bien aussi. Et tout ce que la personne va faire dans sa vie, à Kulahan, donc dans cette vie qui est la science, là il compare Ibn al-Qayyim la vie avec la science. Tout ce qu'il va faire dans cette vie, c'est que du bien, cette science-là. Donc, chaque fois qu'il va œuvrer de telle ou telle, de telle manière, c'est que du bien. Kal-haya, comme donc, l'humilité, el-haya, le fait d'avoir honte, donc l'humilité. Elle l'a dit, sababuhu kamalu hayat al-qalbi wa tasawwuruhu haqiqat al-qubhi. Donc, le haya, c'est justement celui qui va être la cause, justement, de quoi? De que le cœur soit vivant, al-haya, le fait que la personne ait honte, la personne ait de l'humilité, elle aura un cœur qui sera vivant. Wa tasawwuruhu haqiqat al-qubhi wa nafratuhu minhu. Naam, wa nafratuhu minhu. Et le fait que la personne, bien sûr, va automatiquement savoir ce qui est mauvais. Elle aura bien englobé, elle aura bien compris Donc la définition de ce qui est mauvais, et aussi elle va pour son, quoi, son dé, le délaisser ce mauvais, c'est-à-dire pour s'en éloigner. Elle va s'en éloigner. Waddidhu al-waqaha. Donc le, son contraire, c'est justement donc, al-waqaha, donc, le, c'est-à-dire le, ce qui est wal-forsh, ou c'est wal-forsh, non, ce qui est contraire, c'est-à-dire à l'humilité, donc le fait que la personne n'ait pas honte, donc il y a quelqu'un qui n'est honte de rien, donc il a... Il, donc c'est vraiment quelqu'un qui est justement mauvais, forche, c'est le fait que donc le fahisha, elle peut être par la parole ou par l'acte. Fahish ou bien mutafahish. Fahish c'est par rapport à la parole et mutafahish c'est par rapport à l'acte, par rapport aux actes qui sont bien sûr mauvais. Donc c'est la perversité. Wa sababuhu maut al-qalbi wa adamu nafratihi min al-qabih. Donc pourquoi, donc c'est quoi la cause de cela? C'est justement que le cœur, bien sûr. Donc la cause de cela, c'est que le cœur est mort. Et que la personne ne se sauve pas de ce qui est mauvais. La personne accepte ce qui est mauvais. Donc il compare aussi donc l'humilité avec quoi? Avec comme la pluie qui est justement la vie de toute chose. Donc la pluie qui va faire pousser à Kuhel, qui va être le début de la vie de toute chose. Faqala ta'ala. أَوَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا سُورَةُ الْأَنْعَامِ verset 122. وَكَانَ مَيِّتًا بِالْجَهْلِ قَلْبُهُ فَالْحَيَاةُ بِالْعِلْمِ وَجَعَلَ لَهُ مِنَ الْإِيمَانِ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, est-ce que celui qui était mort alors qu'on l'a fait vivre et on a placé donc en lui une lumière avec laquelle il marche vers les gens? Donc il éclaire les gens, il est illuminé. Donc c'est une lumière, il éclaire les gens. Est-il comme celui qui est dans les ténèbres et qui ne sortira jamais? Parce qu'il tourne en rond, il ne sait pas où il va. Il est dans les ténèbres. Il ne voit pas aller où la lumière, le fait qu'il est dans le noir total. Il sait pas, il n'arrive pas à s'en sortir. Il ne s'en sort pas. Il n'arrive pas à s'en sortir. Contrairement à celui qui a la lumière. Donc contrairement à celui qui a quoi? Qui a la lumière. Et c'est pour ça que la personne aussi, donc la lumière c'est l'ilm, la lumière c'est la science, et pour que la lumière dure et perdure, donc il faut apprendre longtemps avant de pouvoir commencer à enseigner, parce que des fois les gens apprennent un petit truc, ils veulent tous l'enseigner et ils peuvent ressentir, ils vont se fatiguer à l'enseigner, alors que le temps qu'ils auront perdu à enseigner des fois rapidement, sans des fois avoir justement les bases solides, il va peut-être s'enfoncer dans des parables ou dans des choses qu'il ne pourra pas justement gérer et tenir, donc il va être comme une allumette. Il va éclairer à un certain moment, mais il va s'éteindre lui. Donc il va ressembler à quoi? Une allumette qui va justement éclairer à un certain moment, mais il va s'éteindre lui. Ça, c'est pas ça qu'il faut. Il faut être cette lumière qui va durer et perdurer. وَقَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ لَا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. Donc sourate Al-Hadid verset 28 et verset 29. Pour ceux qui ont cru, craignez Allah. Pour ceux qui ont cru, craignez Allah. Et on a vu auparavant que la crainte et la croyance, c'est justement la science. Et croyez en l'envoyé et vous aurez donc bien sûr de part de sa miséricorde, et il va passer en vous la lumière avec laquelle vous allez marcher. Donc toujours, on est tout le temps avec le ilm, on est tout le temps avec la science. Et il va vous pardonner, parce que celui qui a de la science, il va mettre en application, et son application va être un sabab de la misère, de quoi? Du pardon d'Allah Azzawajal. Ça va être un sabab du pardon d'Allah Azzawajal. Voilà la ghafur rahim. Donc voilà le résultat, c'est qu'on va être pardonné par Allah Azzawajal si on apprend notre religion et qu'on met en application. Afin que les gens du livre sachent qu'ils ne peuvent rien faire, par rapport à quoi? Au bienfait d'Allah, par rapport au bienfait d'Allah. Et certes, Allah, donc certes le bienfait est dans la main d'Allah, il le donne à qui il veut. Allah, bien sûr, a le bienfait qui est énorme, et donc Allah possède le bienfait qui est énorme. Donc il dit bien à ceux qui ont cru qu'il leur donne quoi? Deux parts de miséricorde. Et ça revient au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que ceux qui ont donc du Asr al-Maghrib, c'est-à-dire les gens du livre, qui ont œuvré du Asr al-Maghrib, hein, qui ont œuvré de tel et tel, et pourtant les musulmans ont œuvré moins, et ils ont eu deux parts. Donc ça, ce verset vient conformer, hein, il vient conforter le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que les croyants, alors que les juifs et les chrétiens se sont plaints, parce qu'ils ont œuvré plus, et ils ont reçu moins. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc justement, nous a montré que les musulmans ont quoi ? Ont œuvré moins, donc moins de temps, mais pourtant ils ont eu, donc c'est une récompense. C'est comme ceux qui ont en fin de compte la comparaison avec ceux qui ont travaillé chez un patron, hein, qui ont travaillé plus et qui ont été payés moins, parce que Allah justement dit, il le donne sa grâce à qui il veut. Lorsqu'il a dit aux juifs, aux chrétiens, est-ce que vous avez été lésés de quelque chose ? Ils ont dit non. Donc après il a dit, donc même pour les musulmans, il a dit, ça c'est le bienfait d'Allah, il le donne à qui il veut, et ce verset vient conforter justement le hadith, donc le hadith, c'est le tafsir en vérité de ce verset. وقال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون سورة البقرة verset 257. Donc Allah est allié à ceux qui ont cru, il les fait sortir des ténèbres vers la lumière, et ceux qui ont mécru sont donc les alliés des taghouts, ils les sortent donc de la lumière vers les ténèbres. Ce sont eux les gens du feu, ils y resteront bien sûr éternellement. Donc regardez, c'est quoi le but ? C'est de faire sortir min al-nur ila al-dhulumat, de la fitra à ce qui n'est pas fitra, donc c'est-à-dire de l'islam à ce qui n'est pas de l'islam. Donc, c'est le but de, justement de al-ladina kafaru al-yahud, donc ceux qui sont tawarit hawla. Wa qala ta'ala wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wala al-iman walakin ja'alnahu nuran نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم سورة الشورى verset 52 فأخبر أنه روح تحصل به الحياة ونور تحصل به الإضاءة والإشراق فجمع بين الأصلين الحياة والنور. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate الشورى verset 52 dit, et aussi donc nous avons révélé, donc nous avons fait vivre en toi donc une âme, hein, de notre part, et tu ne savais pas ce qu'était le livre, ni la foi. Hein, donc on avait eu l'Iman et le Kitab, c'est-à-dire la foi et la science, qui sont ensemble. Hein, donc c'est l'ilm al-nafi' ou l'amal al-salih. L'ilm al-nafi' qui est le Kitab, et l'amal al-salih qui est l'Iman. Mais plutôt, donc nous t'avons placé donc une lumière, hein, donc cette lumière avec laquelle on guide qui on veut, parmi nos serviteurs, hein, qui on veut parmi nos serviteurs, et certes, tu guides, hein, tu guides avec la voie, c'est-à-dire vers la voie qui est droite, vers la voie qui est droite. Donc certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, est bien sûr le meilleur des guides, car c'est lui le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il montre, Allah subhanahu, que cette âme va amener à quoi ? Donc c'est la vie. Et que cette lumière, donc, qui va justement quoi ? Éclairer donc, cette vie-là, hein, donc la vie qui est justement l'islam, et la lumière qui est cette science, donc qu'il a joint Allah Azza wa Jalla entre les deux bases importantes qui sont justement al-haya wa al-nur, la vie et la lumière, la vie et la lumière. Wa qala ta'ala qad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allah man ittaba'a ridwanahu subul as-salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur bi'iznihi wa yahdihim ila siratil mustaqim. Sourate al-Maida verset 15 et 16. Donc certes est venu de la part d'Allah une lumière et un livre évident. Il guide avec ce livre, Allah guide avec ce livre, qui suit donc son agrément, hein, qui va suivre son agrément, c'est-à-dire les voies du salam, donc les voies de la paix. Donc subul salam, donc c'est les voies, pas dans le sens où, alors qu'il n'y a qu'une seule voie, mais dans le sens où il y a quand même plusieurs adorations qui existent, donc c'est ça les voies. Hein. Il y a des gens qui vont être meilleurs que d'autres dans la salat, il y a des gens qui vont être meilleurs que d'autres dans la zakat, il y a des gens qui vont être meilleurs que d'autres dans le jeûne. Donc tout cela, c'est des souboul salam, c'est toutes les voies qui vont amener au khair. Il y a des gens qui seront meilleurs que d'autres dans l'apprentissage de la religion, donc chacun aura justement une spécificité. Des fois, on a toujours un penchant sur quelque chose qui sera plus que d'autres. Donc c'est ça, souboul. Et ça ne veut pas dire des voies différentes dans le sens que c'est des manhaj, des façons de comprendre différentes, et aussi donc des voies différentes afin d'arriver à n'importe quoi. Donc il va les sortir donc des ténèbres vers la lumière avec sa permission, hein, avec la permission d'Allah, et va les guider vers la voie droite. Il va les guider vers la voie droite, versets 15 et 16 de la sourate Al-Maïda. Wa qala ta'ala fa aminu billahi wa rasulihi wa an-nuri alladhi anzalna والله بما تعملون خبير. سورة التغابن verset 8. Donc Allah dit, croyez en Allah et en son envoyé et en la lumière qu'on a descendue. Allah est bien au courant de ce que vous faites. Allah est bien au courant de ce que vous faites. وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. Sourate An-Nisa verset 174. Donc il dit Allah subhanahu wa ta'ala, aux gens, certes vous est venu donc des preuves de la part de votre Seigneur et nous vous avons descendu une lumière qui est évidente, une lumière qui est claire et évidente. Et ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam tarakana ala al-bayda, il nous a laissé avec ce qui est justement donc clair et évident. Donc justement quelque chose qui est clair et évident, blanc, quelque chose qui est clair et qui est évident. Soit on lit ça, verset 174. وقال تعالى قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. سورة الطلاق verset 11. Certes Allah a descendu vers vous donc un rappel donc un envoyé qui vous cite, qui vous récite ces versets donc les versets d'Allah et les signes d'Allah clairs et évidents, afin de vous sortir, afin de sortir ceux qui ont cru et qui ont mis en application, et qui ont cru et qui ont, bien sûr, mis, donc qui ont commis les bonnes œuvres, des quoi des ténèbres vers la lumière. Donc là, on voit encore une fois, c'est quoi ? El-Iman ou Al-Ilm. Donc El-Iman ou Al-Amel. Donc El-Iman, justement, le fait de croire par la science, et après, on va mettre en application ce que on apprend. وقال تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة وزجاجة كأنها كواكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم يمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Sourate An-Nur verset 35. Donc Allah est la lumière donc des cieux et de la terre, et sa lumière est comme donc quelle sourate, la sourate nous qui connaît les chiffres, des fois il y a des gens qui connaissent bien les chiffres, c'est 24 c'est bon. Jamil. Donc Allah est lumière des cieux et de la terre, sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe, sa lampe est dans un récipient de cristal. Donc, celui-ci ressemble à un astre de grand éclat, son combustible vient d'un autre arbre béni. Un olivier ni oriental ni occidental dont l'huile semble éclairer sans même que le feu la touche. Lumière sur lumière, Allah guide vers sa lumière qui il veut. Allah propose aux hommes des paraboles et Allah est omniscient. Zakhlo Khed pour celui qui note, donc directement, ça sera plus facile. Donc Barakhlo Fikakhil Karim continue comme ça, note, ça va nous aider, Inch'Allah. Donc là, regardez comment Allah a donné une parabole. Donc il a encore donné une parabole, justement. Alors, on sait que c'est les gens de science, comme on l'avait auparavant, qui connaissent justement les paraboles, donc par rapport à cela, que Allah est la lumière, donc les cieux et la terre. Et il montre, donc justement, que, c'est-à-dire les effets de cette lumière, donc justement le fait que c'est le fait qu'on va voir cette lumière se propager partout. Et après il dit aussi Nourun ala Nour, donc lumière sur lumière, et ça c'est science sur science. Je crois que la personne va apprendre la religion, donc petit à petit tout ce que la personne va apprendre de sa religion, ça sera de la lumière sur de la lumière. Ça sera de la lumière sur de la lumière. Fadaraba subhanahu mathalan li nurihi alladhi قذفه في قلب المؤمن. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a mis en parabole justement l'exemple de sa lumière qu'il a placé dans le cœur du croyant. Comme a dit Ubay ibn Ka'b, radiallahu anhu, Ubay ibn Ka'b, donc cet illustre compagnon qui était un des plus grands aussi exégètes du Coran. Donc, مثل نوره في قلب عبده المؤمن. Donc il dit, donc c'est comme, c'est-à-dire sa lumière qui est dans le cœur du croyant, du musulman croyant. وهو نور القرآن والإيمان الذي أعطاه إياه. C'est la lumière du Coran et de la foi qu'il lui a donné. كَمَا قَالَ فِي أَخْرِ آيَتِهِ نُورٌ عَلَى النُّورِ. Donc comme il dit à la fin de ce verset, lumière après lumière, يعني نور الإيمان على نور القرآن. Donc il dit, regardez, la lumière de la foi sur la lumière du Coran. La lumière de la foi sur la lumière du Coran. كَمَا قَالَ بَعْدُ السَّلَفِ يَكَدُ الْمُؤْمِنُ يَنْتِقُ بِالْحِكْمَةِ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ فِيهَا بِالْأَثَرِ فَإِذَا سَمِعَ فِيهَا بِالْأَثَرِ كَانَ نُورًا عَلَى النُّورِ. Donc certes, le croyant pourrait, donc, c'est-à-dire yantiqu bil hikma, donc il parle de la sagesse, donc ça peut être aussi par rapport à cela, par rapport au hadith. Et si, donc il n'entend pas cela, c'est-à-dire par les traces bil afa, c'est-à-dire s'il n'entend pas cela, s'il n'écoute pas cela, donc et s'il l'écoute, donc s'il écoute, c'est-à-dire s'il écoute l'afa, c'est-à-dire les traces qui sont venues avant, donc ça peut être le hadith du prophète, ça soit même comme ça peut être aussi, c'est-à-dire les paroles des compagnons autres, donc ça sera une lumière au-dessus d'une autre lumière. Ça sera une lumière au-dessus d'une autre lumière. وَقَدْ جَمَعَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بَيْنَ ذِكْرِ هَذَا النُّورَيْنِ وَهُمَا الْكِتَابُ وَالسُّنَّةِ عَفْوًا وَهُمَا الْكِتَابُ وَالْإِيمَانِ الْكِتَابُ وَالْإِيمَانِ. Donc certes, Allah a quoi ? A enjoint entre ces deux lumières qui sont le Coran et la lumière. Qui sont le Coran et la lumière. فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِهِ. Donc bien sûr, dans plusieurs endroits de son Coran, كَقَوْلِهِ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانِ. Tu ne sais pas ce qu'est le livre et ce qu'est la foi. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. Surat Shura, verset 52. Mais c'est plutôt une lumière que nous avons placée et que nous guidons avec à qui nous voulons parmi nos serviteurs. وَقَوْلِهِ تَعَالَى قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Et aussi la même chose, dit avec la grâce d'Allah et sa miséricorde, et à partir de cela, ils seront heureux. Cela est meilleur que ceux qu'ils rassemblent. C'est-à-dire par rapport à la zakat, le fait qu'ils avaient rassemblé la zakat. Yunus, verset 58. Fafadullahi al-Iman wa rahmatu. Donc là, la grâce et le bienfait d'Allah, c'est quoi dans ce verset? C'est la foi et sa miséricorde. La foi et sa miséricorde. Et aussi, donc Afwan. Fadullah, c'est al-Iman. Fadullah, c'est al-Iman. Donc la grâce d'Allah, c'est al-Iman, la foi. Et Rahma, la miséricorde, c'est al-Qur'an. Et Rahma, c'est al-Qur'an. Et la miséricorde, c'est al-Qur'an. Afwan. Wa qawlihi ta'ala, awa man kana mayitan fahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nasi kaman mathalahu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha. Surat al-An'am. Donc on revoit les versets qu'on a vus auparavant. Le fait que, est-ce que celui qui est mort, alors qu'on l'a fait vivre, on l'a fait revivre, on lui a donné la lumière avec laquelle il marche vers les gens, et comme celui qui est dans les ténèbres et qui ne sortira jamais de ces ténèbres. Surat al-An'am, verset 122. Wa qala fi ayati an-nur nurun 'ala an-nur wa huwa an-nur al-Qur'an 'ala nur al-iman. Et dit aussi, donc on l'a revu ça auparavant, que la lumière sur la lumière, c'est la lumière du Coran sur la lumière de la foi. Wa fi hadith Nawas ibn Sam'an radiyallahu anhu 'an an-nabi sallallahu 'alayhi wa sallam, إن الله ضرب مثلا صراط المستقيم وهل كان في الصراط سوران لهما أبواب مفتحة وعلى أبواب ستور ودع يده على الصراط ودع يده فوقه والله يدعو إلى الدار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. سورة يونس. Donc Nawas ibn Sam'an dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc elle dit dans un hadith qui est rapporté par Tirmidhi wa Ahmed wa Hakim, et il est sahih, et le hadith il est sahih. Donc il dit, donc certes Allah donne l'exemple donc d'une voie qui est droite, d'une voie qui est droite, et bien sûr donc on retrouve donc sur le, justement donc des portes par rapport à cette voie là donc on va retrouver des, donc une sorte de renfort, ou bien de rempart, où il y a des portes qui sont ouvertes. Et on va retrouver donc près de ces portes, on va retrouver des gens qui appellent à cette voie et des gens qui appellent à autre chose. Et c'est pour ça que donc Allah Azzawajal dit donc Wallah yad'u ila dar al-salam wa yahdi man yasha ila sirat al-mustaqim. Et Allah guide donc vers la maison de la paix, dar al-salam, c'est-à-dire le paradis, et il guide aussi, et il guide donc qui il veut vers la voie droite. Wal abwab allati ala kanafin sirat al-hududillah fala yaqa ahadun fi hududillah. Et là, donc qui sont ceux qui appellent, hein, qui sont justement ceux qui appellent à cela? Donc celui qui appelle, au début, c'est qu'il appelle, il veut dire que il appelle, il y a quelqu'un qui appelle à quoi? Donc aux limites d'Allah. Hein? Parce qu'il y a la limite d'Allah que l'on ne peut pas approcher et il y a la limite d'Allah qu'on ne peut pas transgresser. Donc il y a les limites d'Allah qu'on ne peut pas transgresser dans le sens où c'est celles qu'on ne peut pas approcher, c'est les interdits. Et celles qu'on ne peut pas transgresser, hein, des fois on voit tilka hududullah fala takrabuha ou bien tilka hududullah fala ta'taduha. Et celles qu'il ne faut pas rapprocher, c'est ce qui est haram. Amma fala ta'taduha, c'est le fait de dépasser les limites. Hein, on vous demande de prier maintenant 5 prières par jour, vous en faites 6. C'est un exemple. Vous avez inventé une 6e prière obligatoire. Donc vous aurez fait quoi? Vous aurez fait l'i'tida'. Vous aurez dépassé les limites. Donc ça c'est fala ta'taduha. Et si c'est fala takrabuha, ne vous approchez pas. Donc là, hein, ni boire l'alcool, ni zina, ni voler, toutes ces choses-là, ni mentir. Donc c'est pour ça que la personne ne doit pas aller vers les limites d'Allah. Hatta yakshifa, etc. الذي يدعو من فوقه يعني واعظ ربي واعظ ربي. Et celui qui appelle au-dessus de lui, hein, par rapport à ça, parce qu'il y avait quelqu'un qui appelle fauq, quelqu'un qui appelle autre chose qui est fauq, c'est en fin de compte donc celui qui exhorte de la part de son Seigneur, c'est celui qui exhorte, hein, c'est-à-dire de la part de son Seigneur. Donc on a vu que le hadith il est authentique. Donc le tefsir de ce hadith, c'est que celui qui appelle sur la tête, hein, de ce pont, de ce salam, donc de cette voie droite, c'est quoi? C'est celui qui appelle au livre d'Allah, Kitabullah. Et celui qui est donc celui qui appelle au-dessus de ça, hein, au-dessus de lui, donc celui qui appelle, c'est-à-dire au bout de cette sirat, au bout de ce pont là, c'était celui qui appelle auprès d'Allah. Et celui qui appelle, c'est-à-dire au livre d'Allah, et celui qui appelle au-dessus de lui, comme ils disent, c'est celui qui appelle, donc celui qui exhorte en fin de compte, quoi, tout cœur de chaque croyant. C'est celui qui va exhorter tout cœur de chaque croyant. Enfin là, on retrouve encore une fois les deux bases. Aslen, c'est quoi? Al-Qur'an ou Al-Iman. Al-Qur'an ou Al-Iman. Donc on revient à quoi? Al-Qur'an, c'est quoi? Al-Ilm. Al-Nafi' ou Al-Iman, hein, qui va être Al-Amal al-Salih. Hein, donc qui va être justement Al-Amal al-Salih. Wa qala Huzayfa, haddathana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, anna al-amanata nazalat fi جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من الإيمان ثم علموا من القرآن. Donc Hudayfa dit, radi Allahu anhu, dans un hadith qui est rapporté par le Bukhari et Muslim, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que la amana, donc le dépôt, est descendu donc dans les cœurs, donc il est descendu dans le profond des cœurs, hein, dans les bases des cœurs des hommes, puis est descendu le Coran et ils ont appris par rapport au dépôt, ils ont appris de la foi. Puis après, ils ont appris du Coran. Donc, ils ont appris d'abord de la foi, et après, ils ont appris du Coran. Et toujours dans le Bukhari Muslim, où Abu Moussa al-Ash'ari dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Mathal al-mu'mini alladhi yaqra'u al-Qur'an ka mathal al-utruja ta'muha tayyib wa rihuha tayyib wa mathal al-mu'mini alladhi la yaqra'u al-Qur'an ka mathal al-tamrati ta'muha tayyib wa la riha laha wa mathal al-munafiq alladhi yaqra'u al-Qur'an ka rihana rihuha tayyib wa ta'muha tamur. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح له. Donc dans le hadith rapporté par le Bukhari Muslim, hadith qu'on retrouve souvent par rapport à celui qui lit, donc c'est comme donc le croyant qui lit le Coran est comparable à l'utruja, c'est la français l'utruja, mais c'est quel fruit, c'est le, ils appellent ça comment, le fruit en français? Hein? C'est la colocante, hein? Non, Utruja. Non, c'est pas l'orange encore. C'est pas le. C'est le pumousse, ou je sais pas. C'est un. Non. Personne ne sait. Utruja en français. Personne ne connaît. Sahih qui connaît pourtant. on le connaît tous et passe à côté. Il est dans le Bukhari. Il est musulman. Donc, à Kulhel, donc le croyant qui lit le Coran, hein, bien sûr, et qui c'est quoi? Donc, c'est qu'il est comparable justement à ce fruit qui a un bon goût et aussi une bonne odeur. C'est toujours pour montrer à Kulhel par rapport à quoi? C'est le but de ce hadith par rapport à ce qu'on voit nous, c'est justement la relation entre la foi et le Coran. Hein, entre la foi et le Coran. Donc, il est croyant parce qu'il est mu'min, parce qu'il y a un de l'imen. Mu'min, c'est celui qui porte en lui la foi. Et le Coran, le fait qu'il lise le Coran. Et donc on va, il y a quatre catégories par rapport à cela. Donc on voit qu'il dit faj'al an-nas in arba'at aqsam, donc on voit que les gens sont divisés en quatre. Donc la première c'est al-awwal ahlul iman wal qur'an hum khairun nas, donc les gens du Coran, les gens de la foi et du Coran qui sont les meilleurs des personnes. Après la deuxième c'est les gens du Coran mais qui ne lisent pas le Coran, donc ils sont en dessous. Ils sont bien sûr minus su'ada, ils sont quand même bien parce que c'est les mu'min. Donc ils sont quand même bien, ils seront heureux quand même inchallah, mais ils ne lisent pas le Coran, donc ils perdent quelque chose, ils perdent de la valeur, ils perdent le fait qu'ils vont monter en degré de la même façon que les autres, donc ils sont en dessous des autres. Wal ashqiya qisman, et les malheureux sont aussi au nombre de deux. Il y aura deux catégories de malheureux. Ahaduhuma man utiya al-Qur'ana Qur'anan bila iman fa huwa munafiq. Celui qui a peut-être appris ou celui qui reste le Coran sans foi, celui-là bien sûr c'est l'hypocrite. Il a du Coran sans avoir la foi. Wa thani man la utiya al-Qur'anan wa la imanan. Celui qui n'a reçu ni Coran ni foi. Donc à ce moment-là, celui-là il sera vide. Wa al-maqsud anna al-Qur'ana wa al-imana huma nurun yaj'aluhu Allah fi qalbi man yasha'u min 'ibadihi wa annahuma aslu kulli khairin fi ad-dunya wal akhirah. Wa 'ilmuhuma ajallu 'ulumi wa afdaluha بلا علم في الحقيقة ينفع صاحبه إلا علمهما والله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. Surat al-Baqarah verset 213. Donc le vouloir dire de cela, c'est que le Coran et la foi sont donc justement les lumières avec laquelle Allah place, dont Allah les place dans le cœur de celui qu'il veut, mais sur de celui qui veut parmi ses serviteurs, hein, et qu'elles sont les bases de toute chose, de tout bien dans l'au-delà, c'est-à-dire dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et leur science est la meilleure des sciences. Hein? Donc c'est la meilleure des sciences, bien sûr, la plus illustre. Et il n'y a pas de science, en vérité, que si la personne profitera ou mettra en application, c'est-à-dire, bien sûr, ça. Donc il n'y aura pas de véritable science que si la personne profite de cette science. Si la personne ne profite pas de cette science, à ce moment-là, il n'y a pas de véritable science. Et Allah guide qui veut, hein, vers la voie droite, soit sur le Baqarah, verset 213. Donc on a vu par rapport au Nour, donc ça a été long par rapport au Nour. Al-Waj al-Thalith wa 20, 23e point. Al-Kalbu al-Mu'allim, al-Mu'allim afdalu min al-Jahil. Le chien qui apprend, regardez, il y a un livre par rapport à ça. Sachez qu'il y a un titre de livre qui dit que par rapport, j'ai oublié le début, mais c'est par rapport au Fitafdil al-Kalb, je sais plus, c'est un insane, comme il y a un livre par rapport au dire que le chien qui est dressé est meilleur que l'ignorant. Il y a un livre, il y a un titre, je sais qu'il y a un livre de ce par rapport à ça, il y a un titre. Alors, Nassit, j'ai oublié le titre. Ah, donc, Tabdil al-Kilab, ala kathir min man labas al-Thiyab. Anna Allah subhanahu ja'ala Sayyid al-Kalbi al-Jahili maytatan yahrumu akluha. Wa abaha Sayyid al-Kalbi. Donc certes Allah a interdit, hein, de quoi, de récupérer, donc c'est-à-dire de manger de la nourriture qui a été par exemple récupérée, hein, ou bien prise par le chien qui est ignorant, c'est-à-dire le chien qui n'a pas été dressé pour chasser, alors qu'il a permis donc la chasse avec le chien qui connaît, qui sait, hein, récupérer. Donc le fait de, on blesse maintenant l'animal et le chien va le récupérer, en ce moment-là on peut. Wahada Aiden min sharaf al-ilm, c'est encore une fois parmi toujours, pourtant là on parle d'un chien, mais c'est pour montrer qu'il y a une différence entre le chien qui est ignorant et le chien qui est savant, qui connaît, qui a été dressé et qui connaît ces choses-là par rapport à la chasse. Donc on voit encore une fois quoi, l'honorabilité de la science. Wa annahu la yubahu illa saydul kalbi al-alim, donc il n'est pas permis sauf pour le, c'est-à-dire de chasser, hein, que avec le chien qui est dressé pour cela. Wa amal kalbul jahil. Par contre, le chien qui est ignorant, il est interdit de manger hein, de ce qu'il a chassé. Fadala ala sharaf al-ilmi wa fadlihi. C'est encore une fois une preuve du bienfait et de la vertu de la science. Donc on va s'arrêter là, Inch'Allah, hein, du fait qu'ici il manque 10 heures passées. Barakallahu fikoum. Subhanaka wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikoum. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh.